Mais dis-moi qui se souviendra de nous. Mes potes, mes proches, c'est assez à mon goût. Quelques scènes, c'est déjà beaucoup. Je vous remercie car c'est grâce à vous. Mais dis-moi qui se souviendra de toi. Moi c'est sûr, je vous oublierai pas. Tous ensemble, on avance à grands pas. Mais si tu traînes, fils, on t'attendra. C'est ce que m'ont dit Antilope et Sian quand on a commencé l'album. 40 ans, toujours sur scène. C'est normal, faut pas que ça t'étonne. Entre l'ancienne et la nouvelle école, y'a pas de guerre, les gens font des tonnes. Depuis que j'écris, je veux que ma voix résonne. Je fais mes beats sur Live Horizon. On voulait marquer notre époque, que les gens se rappellent de nous. On voulait faire kiffer nos potes et se faire plaisir avant tout. On voulait marquer notre époque, se faire plaisir avant tout. On voulait faire kiffer nos potes, que les gens se rappellent de nous. Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Nous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Souviendra de nous. Nous, bien sûr, je veux. Nos tags ont été recouverts par de la peinture puis d'autres tags. Des couches sur les murs, des nouveaux immeubles insalubles remplaçant les vieux d'un salut. Pur devenu terrain vague accuse, à talus de débris à la fin soluble et à ciel ouvert. Le dernier cri de l'homme dans l'espace sans laisser aucune autre trace que celle de la lumière de la fin d'une espèce. Brillant dans un dernier espace, on ne peut pas dire que l'on ne savait pas, n'est-ce pas? Pourvu que je me trompe, enfin je l'espère. Les fruits que nous avions plantés qu'auront-ils donné demain de l'espoir dans un monde en bonne santé ou quelque chose de vain, de vivant, de plus beau? J'aimerais l'entendre de vivre, voir que l'homme a compris qu'il valait mieux se soumettre à la nature que de vivre roi. Observez bien plus loin que jamais l'on a vu par une petite fée. D'un monde joyeux allongé sur l'herbe, criant oh la jolie étoile bleue disparue, soufflée par la bêtise des hommes il y a des millénaires. Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Nous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Nous, bien sûr, je peux vous le promettre. On a rappé sans tabou, ces lettres elles sont à vous. Inspirées par mon parcours, de l'Afrique à boulevard Davout. La musique elle nous envoûte, on gratte, s'arrache la croûte. Nos joies, nos peines et nos doutes, du cyanure, l'encre à grosse goutte. Mais qui se souviendra de nous? Oui, qui se souviendra de nous? Ghetto boy, pas boy scout, t'en rendras les coups avant qu'on se quitte. J'ouvre les yeux, tout s'effrite, mais pas question d'être à bout. Ma question reste dans le flou, qui se souviendra de nous? Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Nous, bien sûr, je peux vous le promettre. Qui se souviendra de nous? Vous, bien sûr, je peux vous le promettre. Qui se souviendra de nous? Nous, bien sûr, je peux vous le promettre. Qui se souviendra de nous? Vous, peut-être. Qui se souviendra de nous? Nous, bien sûr, je peux vous le promettre. Qui se souviendra de nous? Vous, bien sûr, je peux vous le promettre. Qui se souviendra de nous? Nous, bien sûr, je peux vous le promettre. Peut-être, peut-être, peut-être, peut-être.